comprendre un programme d'activité. Exercice 4. Et pour terminer la matinée, votre agenda culturel. Le printemps des poètes a lieu du 5 au 18 mars sur le thème du poème d'amour. Nous avons préparé pour vous une sélection d'événements dans la France entière. Tour de France donc. Poésie chantée à La Rochelle. Poète d'ici et d'ailleurs à Lyon. René Char à Montpellier. Ces gens qui sont des arbres, spectacle pour enfants à Paris. Par ailleurs, Françoise Cléda dédicacera son nouveau livre le 12 mars à 19h à la librairie Vice Versa, dans le 14e à Paris. De plus, des soirées spéciales auront lieu pour les personnes sourdes ou qui entendent difficilement. Plusieurs spectacles seront adaptés pour elles et présentés en langue des signes au théâtre de l'Odéon à Paris. Bon printemps à tous !